Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional de l'édition du 20 mars. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que c'était en fin de semaine les sélections canadiennes juniors qui avaient lieu à Sherbrooke et Karina Momigny de Péribonka a terminé au quatrième rang au cumulatif. À noter également que Léa Tremblay de Saint-Félicien attaque à elle terminée au 31e rang. Maintenant, on va parler du côté du club de golf de Saint-Prime. On sait qu'on a annoncé la nomination de Junior Junot à titre de directeur général du club de golf de Saint-Prime. En entrevue hier sur les ondes de DanRadioSport.com, il a mentionné qu'il était très, très heureux du défi. Ben, en fait, c'est une réflexion que j'ai eue il y a de cela un certain temps. Bon, ça fait maintenant, on le sait, là, ça faisait tout près de 20 ans que je travaillais pour la même entreprise. Et puis, bon, après un certain temps, on se remet en question. La fin de quelques années, bon, le début de la quarantaine, puis on se pose des questions à savoir, bon, qu'est-ce qu'on veut faire de notre carrière, etc., etc. Puis, bon, on se souvient aussi que j'avais passé 5 ans comme président au club de golf de Dolbeau. C'est des années que j'ai adoré, bien que ça n'a pas été nécessairement facile, là, mais j'ai adoré ces années-là. Ce qui fait en sorte que quand j'ai vu la possibilité de me joindre au club de golf de Saint-Prime, ben après mûre réflexion, le golf est une passion pour moi. Alors j'ai décidé de faire le saut, puis de tenter ma chance pour obtenir le poste que j'ai eu. Donc, je suis très heureux, très, très heureux de me joindre au club de golf. Junior Junot nous parle évidemment que son défi sera évidemment de faire en sorte que le club de golf de Saint-Prime gagne des manches. D'aller attirer la clientèle plus jeune. Okay. Autant les jeunes que la clientèle, là, je parle des jeunes là, de catégorie là, de 7 à 18 ans. Mais aussi les jeunes là qui entre 18 et 40 ans, je dirais là, cette clientèle là, bon, n'est pas nécessairement, je dirais, attirée par le golf. En même temps, faut pas se leurrer que dans une région comme la nôtre, il y a la baisse démographique qui joue contre nous. Fait que ça, c'est le défi numéro un. C'est un défi qui nous amène des problématiques en termes de gestion. Au niveau financier, c'est bien évident. C'est un défi au niveau de l'achalandage. Donc, dans chacun des postes budgétaires, veut pas, c'est trouver des façons de rentabiliser le club. Fait que ça, c'est le défi majeur qu'on a à relever. Toujours travailler à aller chercher de nouveaux revenus. Maintenant, c'est que Junior Junot est très connu à Dolbeau-Mistassini. Il a été l'ancien président du club de golf de Dolbeau-Mistassini. Il n'a pas l'intention de concurrencer le club de golf. Ben moi, je vois pas où je vais nuire pour le club de golf de Dolbeau, aucunement. Comme tu le dis, oui, je suis connu dans le milieu ici, quand même connu également dans le secteur de Saint-Félicien-Robertval, là, dans du temps de mon implication dans le multiconcessionnaire au niveau du Junior 3, là, l'équipe Junior 3 qu'il y a eu, là, dans les 3 ou 4 ans que j'ai été impliqué dans l'équipe, là, j'ai appris à connaître tous les gens de ce secteur-là un peu plus. Bon, oui, il faut continuer de travailler en collaboration avec ici notre club à Dolbeau. Je pense que ça donne à rien de s'embarquer dans des chicanes aucunement. Là, autant d'un côté comme de l'autre, on n'a rien à gagner de ça. Comme d'habitude, moi je dis toujours, j'invite les gens de Dolbeau, du milieu, les amateurs de golf à venir découvrir, puis voir le terrain, venir jouer le terrain à Saint-Prime. Et vice-versa, les gens de Saint-Prime de venir jouer au club à Dolbeau, la même chose, là, tu sais, ça permet toujours le fun de jouer sur d'autres terrains que le... Du Colorado l'a emporté 3-1 hier contre le Wild du Minnesota. Samuel Girard a été blanchi, a joué 18 minutes 33. Et il y aura du deck hockey de la boom session. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Donc, on lance la période d'inscription actuellement. Et il en coûte quand même, pour au niveau masculin, on parle quand même d'un montant qui serait de 1150$ par équipe pour 16 matchs. Et au niveau féminin, on parle de 600$ par équipe pour 9 rencontres. Si ça vous intéresse, contactez le 480-3170, le 480-3170. Je vous invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, on a parlé avec plusieurs intervenants, dont Junior Junot, le nouveau directeur général du club de golf de Saint-Prime, où il parle de son défi. Sport local et régional à danadosport.com. On s'en occupe.